On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un va tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme presque tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur 96.2 FM, rediffusion sur Studio Zef à Blois et sur le site ontherocks.net et sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Bref, il y a plein de façons d'écouter On The Rocks quand il y a On The Rocks. Rock and roll. Hey, well, I'm une émission tout en douceur ce soir qui va avec le temps et qui va vous envelopper, je l'espère, plein de belles choses à vous faire écouter, à commencer par le coup de cœur qui est une retrouvaille qui me va droit au cœur justement. L'avantage avec les émissions qui durent, et celle-là dure, et tant mieux, et avec les émissions qui durent, c'est que on peut dire avec des artistes, j'étais là depuis le début. Et ben j'étais là depuis le début pour en ce qui concerne Adam Wood. C'est le coup de cœur ce soir, Adam Wood. Alors c'est un chanteur français, on ne dirait pas, parce qu'on dirait vraiment un des meilleurs représentants de l'Americana en France, ça c'est sûr. Jérémy Bois, Wood, Bois, vous voyez, leader donc de Adam Wood, a sorti un EP très très beau et puis deux albums dont le dernier en date était magnifique. Il a créé le label Fremont Records, qui a sorti pas mal de beaux disques depuis, et puis une éclipse. Il était venu il y a bien longtemps, en première partie des Hey Moon Shakers, c'était au Bouillon à Orléans. Il était venu dans ses studios ici même, il m'avait fait l'honneur de venir à ses studios. Il me demandait de lui écrire sa bio d'ailleurs pour son deuxième album, me semble-t-il, ou troisième, deuxième. Eh bien, une petite éclipse. Qu'est-il devenu? Je ne sais pas. On en saura un peu plus puisqu'on aura la chance de l'avoir à nouveau dans les studios. Ce sera au mois de décembre. Je vous en parlerai le 16 décembre, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai pas de calendrier dans les yeux. Donc ce n'est pas bien. C'est pas très professionnel. Et en tout cas, il viendra nous présenter ses nouveaux morceaux. Il vient de sortir un EP qui s'appelle un hippie, qui s'appelle Hello Again. Et on va se passer le morceau qui ouvre ce EP. Ça s'appelle The Great Escape. Et on retrouve tout ce qui fait la magnificence d'Adam Wood. C'est-à-dire cette voix qui ne pâlit pas face à, en comparaison de certains grands artistes américains, et puis un morceau qui rentre bien dans la tête, ça c'est sa marque de fabrique. Il va repartir sur les routes, Adam Wood, avec un nouveau groupe. Je crois qu'il a changé de groupe, il a changé de line-up, il nous parlera de tout ça lorsqu'il viendra, mais pour l'instant c'est tout chaud, c'est tout nouveau, et les autres titres seront diffusés dans les semaines à venir. Voici donc Adam Wood avec son dernier morceau, ça s'appelle The Great Escape. C'est le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Something would have been pretty bound to a feeling of happiness, some money for rent and gas, a family portrait on the wall. It's so strange for a world. You feel like a ghost in a crowd. But I think that it's cool because my daddy is cool and he lets me learn on my own. When I get tickets for it's worth millions of your stuff. Ain't got no reason to be proud, no. But I don't wanna wait in line. I'm running out of town. thinking about quitting. Think it's time now. Think it's all over. Quiet my mind. Everybody's laughing. Everybody's sure. Nothing seems likely. Nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle and to the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and death's reborn. And hey, hey, my, everything's gonna be alright. Hey, hey, my, everything's gonna be just fine. I'm dead. Maybe I'm leaving. Hearts like lead. Something feels missing. Something ain't right. Remember first kissing. My heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle and to the dawning. You know I always feel like the skies are reborn. And hey, hey, my, everything's gonna be alright. Hey, hey, my, everything's gonna be just fine. Oh, nothing lasts forever. Oh, nothing suits me. Gonna be all right. Hey, hey, my, my, everything's gonna be just décidément, c'est la soirée des retrouvailles dans The Rocks. Voilà un groupe que j'ai adoré, que j'ai idolâtré au moment du premier album. Je n'étais pas le seul, Maître Capello également. Et voilà, c'était un groupe qui venait du Pays de Galles, qui s'appelait les Stereophonics, avec un chanteur tout petit, j'aime bien le chanteur tout petit, ça me rassure un peu, qui s'appelait Kelly Jones, avec une voix éraillée et un premier album et une première série de singles tirés de l'album avec des inédits qui étaient fabuleux. Et puis petit à petit, les albums sont devenus de moins en moins intéressants à mon goût. Le deuxième était pas mal, le troisième était pas mal, mais un peu moins bien. Et puis voilà. Voilà, ça s'est un peu dilué, ils se sont un peu perdus, pas au point de vue de succès, puisqu'ils ont fait un énorme tube qui s'appelait Dakota, qui pour moi était voilà un peu leur leur tube en trop, c'est-à-dire que il a très bien marché, mais plein de défauts pour moi. Et puis j'avais un peu perdu de vue, j'écoutais plus trop les albums, et le dernier album de Stereophonics vient de sortir, et il est vraiment très bien, c'est ce qu'on vient d'écouter, Fly Like an Eagle, c'est le nom du morceau, et ben tout est comme ça, ils reviennent à un album plutôt acoustique, plutôt atmosphérique, très américain, ça peut faire penser parfois à du Bryan Adams grande période, à du Rod Stewart grande période, c'est-à-dire pas les années 80. Voilà, c'est vraiment vraiment très bien. Et puis il y a cette voix de Kelly Jones qui est intacte. Je vous conseille vraiment cet album, The Great Escape. Donc c'était le morceau d'Adam Wood qui ouvrait, et puis juste après donc Stereophonics avec Fly Like an Eagle. On va continuer avec encore quelqu'un que je suis absolument ravi de retrouver. Il vient de sortir un EP lui aussi. On s'est déjà passé un titre, c'était le coup de cœur la semaine passée. Eh bien, on continue de se visiter ce petit EP de Pierce Faccini avec Could I've Been You. C'est pas si éloigné dans l'ambiance, ce morceau qu'on va écouter précisément de Pierce Faccini, de l'ambiance du dernier Stereophonics. Et pourtant, on pourrait croire que tous les opposent et tous les séparent. C'est vraiment deux façons d'aborder la musique, beaucoup plus rock. Rock'n'roll est beaucoup plus rentre-dedans pour les Stereophonics au départ, beaucoup plus pensé, atmosphérique le croisement de plusieurs cultures musicales pour Pierce Faccini. Bah là, il se retrouve un petit peu. Could Have Been You, c'est le nom de ce morceau de Pierce Faccini qu'on écoute maintenant dans The Rocks. Turning over words that read nowhere, picking up the signal of a distant air. Roots never tied me down to the shallowest ground. Born into the year of who knows when, brought up on waves left way back then. Searching for a white snap and a trail to track. What would it take for a dreamer to wake? It could have been me. Line after line, the code was all mine, but who's playing who? To the core, cut me at the close. Synapse reeling when the zero blows. Looking for a number to be someone like me. Fingers to the stars before they sink. Palms upraised, trembling at the brink. Take me to the port below. I got away to run. What will it take for a sleeper to wake? It's haunting me. Frame after frame, the lay of the game. Frame after frame, lay game, but he's playing who? He could have been you. He could have been bien ce qui me semblait. C'était à nouveau Pierce Faccini, on entend maintenant. Et puis, juste avant, c'était Liv Volbeck. Alors là, voilà, la perle rare de Montréal, un chanteur où tout est bon. Il n'y a rien acheté dans la discographie de Liv Volbeck. Il impressionne beaucoup par son humilité, mais alors surtout par sa voix et par ses albums qui deviennent de plus en plus épurés, quoique le dernier est un tout petit peu plus arrangé. Il y a un tout petit peu plus d'instruments et de fioritures que le précédent, qui était vraiment très sec, mais sec lumineux, hein, froid sec, hein, comme à Montréal. Et là, c'est un extrait de son dernier album. Il a terrassé Stéphane Echer, hein, je vous en parlais, j'avais entendu ça sur France Inter, où Stéphane Echer a dit qu'il voilà, il avait du mal à composer des morceaux depuis qu'il avait écouté Liv Volbeck. Il a un petit peu tendance à faire exactement ce que fait Liv Volbeck, tellement il trouve ça beau. Courrezy, on a eu la chance de l'avoir en concert rue de Bourgogne il y a bien longtemps. C'était le morceau Phaedrus, et juste avant, c'était donc Pierce Faccini avec Could I Be You. On va continuer encore dans cette ambiance-là. Je vous l'ai dit, ça va être assez tranquille ce soir dans On The Rocks. Eh ben, c'est pas plus mal. On va se reposer. Voici donc les Villagers avec Did You Know, et c'est tiré du dernier album. know. Well, of course I did. But to know is not to feel. And I feel it now like never before. Christ, it's all too real. And did you know that I shake inside when I walk out of the front door? When I call a friend or even your name, must be something there to shake for. Man, I got a thousand reasons. Mais alors, pourquoi je ne m'entends plus? C'est très étrange. Ah, voilà, ça y est, je m'entends. Donc, vous m'entendez. Oui, à l'instant, c'était quelqu'un qui a dû beaucoup, beaucoup écouter les albums solo de John Lennon, Mind Games et compagnie. C'était Willie G. Ealey avec Thousand Reasons. Ça sonne vraiment comme du Lennon carrière solo de la fin des années 70, début des années 80. Enfin, début des années 80. Non, il est mort en 80, donc fin des années 70. Et puis, juste avant, c'était les Villagers tirés de leur dernier EP. Je crois que c'est pas un album non plus. C'était Did You Know. Voici quelqu'un qu'on est aussi content de retrouver. Alors, bon, peut-être pas autant qu'Adam Wood, faut pas exagérer, mais j'avais bien aimé son album précédent et bah, manifestement, il confirme. Il s'appelle comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Benjamin Francis Leftwich. Benjamin Francis Leftwich. Et le morceau, c'est All Dressed in White. Je vous ai prévenu, ce soir, c'est pas trash metal, mais ça fait du bien. Okay. America, the heartache of mine. Will you let me breathe? Is the bell I hear from Nairobi? On the phone she was ill, and so was the economy. In 50 years, when I'm frail, barely on my feet, will you be kind, oh dear, like you promised at the embassy? Oh God bless America, the heartache of mine. Oh God bless America, the heartache of mine. When the time it is sweet, it won't matter who you got is, or the tone of your skin, or who you choose to share your love with. Oh God bless America, the heartache of mine. Oh God bless America, the heartache of mine. Demain soir, ça va être une très très belle soirée à l'Astrolabe. Il y aura une première partie. Alors, j'ai pas de morceau à vous faire écouter, j'en ai pas trouvé. Mais il y en a un sur YouTube qui passe sur le site de l'Astrolabe. Ça s'appelle Bobby, une chanteuse, et ça a vraiment l'air super beau. Ça va être la première partie de J.S. Sandara, qu'on vient d'entendre un instant, avec son album magnifique God Bless America. C'était le nom du morceau qu'on vient d'écouter, tiré de son premier album. Vraiment, voilà, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Écoutez cet album de J.S. Sandara, tout est beau dessus, et je pense que le concert va vraiment être un moment délicieux. Alors juste un petit regret, il était question qu'on fasse avec Romain de l'Astrolabe un astro-micro, c'est-à-dire interview filmée. Eh bien le tourneur, en tout cas le, je sais pas comment on peut appeler ça, l'attaché de presse, je ne sais pas, en tout cas a décliné, pas d'interview, pas le droit de filmer le concert, rien du tout, tout est cadenassé. C'est un peu dommage pour un artiste qui débute d'être aussi entouré de gens qui le considèrent comme une star intouchable, alors que je pense que le garçon ne l'est pas, intouchable, et n'est pas star, mais en tout cas l'entourage commence à lui faire un peu du mal. Dommage, il n'y aura pas d'interview on the rocks en tout cas. Voici quelqu'un qu'on avait interviewé, en tout cas le batteur de ce groupe, puisque c'est lui qui était francophone, un peu comme Liv Volbeck, hein. Liv Volbeck qu'on a écouté tout à l'heure est francophone, il est de Montréal. Et bien le batteur de ce groupe était lui aussi francophone, les autres sont plutôt anglophones je crois, en tout cas ils sont tous canadiens, et ils reviennent avec un bel album. Il s'appelle Half Moon Run, et le morceau c'est Zen Again, je crois que c'est le nom de l'album aussi si je ne dis pas de bêtises. On retrouve leurs pattes. Il y a un morceau acoustique qui est fabuleux qu'on s'est déjà diffusé dans The Rocks, et puis le reste, eh ben c'est du Half Moon Run, voilà. Il ne réinvente rien par rapport à ce qu'il faisait avant, mais si c'est pour réinventer comme Coldplay, peut-être vaut-il mieux ne rien réinventer. Quoique, le dernier morceau de Coldplay qu'il a fait avec Stromae est plutôt sympathique, on va dire, mais comparé aux premiers albums de Coldplay, la carrière ressemble quand même à de l'eau de boudin. Ce n'est pas le cas d'Half Moon Run, qui se présente maintenant eux-mêmes dans The Rocks. Bonjour, c'est Half Moon Run sur On The Rocks. Voilà. Then again, I thought it through. And again, you'll be out on the edge of some great precipice that would redefine you again and leave me alone to catch up. You said a lot of things I don't understand, and you get a piece of me, but I get an empty hand. And all of the people pieces fit, but that big picture's wrong. And it's something only I'll ever know. Guess I'm alone in this one. Nobody ever seems to know the right way. Yes, I'm alone in this one. Nobody ever seems to know the right way. Then I heard you speak in no uncertain terms. That again, breathing just to see your own breath. You got a brand new start in a sunny southern town. Me and a touring band in hope put in doubt. nouveautés dans The Rocks. Il y aura plein de nouveautés ce soir, mais il y aura aussi quelques vieilleries à un moment, je vous rassure. À l'instant, c'était une nouveauté. C'était tiré du dernier album de Twin Peaks avec un son un peu petit sur cet album de Twin Peaks. Mais on retrouve cette patte avec ces petits cuivres là qui viennent s'inviter à la fin du morceau. Et c'est pas pour me déplaire. Laid in Gold. Et puis juste avant, c'était Half Moon Run. Les Canadiens avec Then Again. Voici quelqu'un que je suis aussi depuis le premier album. J'étais vraiment, vraiment fan des premiers albums. Et, en particulier de l'album 20 Something. Il s'appelle Jimmy Colum. Voilà, il vient du jazz, mais en même temps, il a une tronche effrontée. Alors, il avait une tronche de gamin effronté du nord de Londres, on va dire, du nord de l'Angleterre. Eh bien, il a lié les deux. Il a lié cette culture un peu populaire anglaise et puis le jazz dans ce qu'il avait de plus pur et de plus entertainment, un peu à la Frank Sinatra. Et puis, il s'est un peu perdu dans des choses un peu plus commerciales qui lui ressemblaient pas vraiment. Alors là, depuis quelques temps, il a trouvé la formule. Il sort des EP où il reprend, sur lesquels il reprend des morceaux qui sont très très connu, style Justin Bieber, Lady Gaga et compagnie, mais il les met à sa sauce. Alors moi, comme je connais pas les morceaux originaux, j'ai l'impression que ce sont des morceaux de Jimmy Colum très très bons. En tout cas, il réarrange parfaitement ses morceaux. Et sur le dernier, eh bien, il a l'idée de reprendre à la fois des choses très contemporaine, je crois qu'il prend, je ne sais plus ce qu'il reprend, enfin il reprend, voilà, Billie Eilish, ça existe ça? Voilà, bah, je crois qu'il reprend ça, et puis il reprend aussi du Tom Waits, il fait le grand écart, et il y a un morceau, je crois que ce morceau est de lui, il s'appelle Boyfriend, et on retrouve cette patte de Jimmy Colum avec cette sorte d'orgue, de moog comme ça, qui prend toute la place au départ, et puis après, une guitare jazz qui fait un peu de solo là, et ça fait du bien. Boyfriend, donc c'est une nouveauté, c'est Jimmy Colum, et quand Jimmy Colum sort un album, c'est déjà un peu Noël. One, two, three. Too much, but I don't wanna miss your touch, and you don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do, and I might not be the one for you, but you ain't about to have no boo. 'Cause I know we'd be so complicated, but we'd be so smitten, it's crazy. I can't have what I want, but neither can you. You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, but you don't want me to see nobody else, and I don't want you to see nobody, but you ain't my boyfriend, and I ain't your girlfriend, but you don't want me to touch nobody else, baby, we ain't gotta tell nobody, even though you ain't mine, I promise the way we fight make me honestly feel like we just in love, 'cause baby, when push comes to shove, damn, baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. Take my time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. I know it'd be so complicated, loving you sometimes drives me crazy. I can't have what I want, but neither can you. 'Cause you ain't my boyfriend, and I ain't your girlfriend, but you don't want me to see nobody else, and I don't want you to see nobody. You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, but you don't want me to touch nobody else, baby, we ain't gotta tell nobody. I wanna kiss you, don't wanna miss you, but I can't be with you, 'cause I got issues. Yeah, on the surface, seems like it's easy, careful with words, but it's still hard to read me. Stress out with the trust load, bad vibes where the fun go. you don't want me to touch nobody else. Baby, we ain't gotta tell nobody. Tell nobody. Tell nobody. Tell nobody. How does it feel when it's quiet and calm? And will I be this is me. Qu'il s'essaye à faire un peu de du disco, un peu voilà, un peu à paillettes sur son dernier album, je suis moyennement convaincu, mais alors là, quand il joue à ça, il est imbattable. C'était Michael Kiwanuka avec Solid Ground, un morceau qui peut évoquer parfois ce qui restera peut-être comme son chef-d'œuvre, le morceau Cold Little Heart, pour ceux qui ont regardé la série Big Little Lies, c'est le générique. Eh bien voilà, cette voix incomparable de Michael Kiwanuka pour son troisième album, Solid Ground, c'est un des derniers morceaux de l'album. Et voilà, c'est comme ça que moi, je l'aime le mieux. Juste avant, c'était Jimmy Colum avec Boyfriend. Si vous aimez les voix comme ça, comme celle de Michael Kiwanuka, bah restez branchés et montez le son. Puisqu'il y a un groupe assez légendaire dans les milieux un peu underground, on va dire. Ça n'a jamais été un groupe très grand public, mais je pense qu'il va y avoir des gens très émus dans la salle le 6 mars prochain à l'Astrolabe, puisque pour la première fois, ils passeront, je crois qu'ils sont jamais passés à Orléans. C'est les Tindersticks qui viennent. Voilà, ils commencent à avoir quelques heures de vol. Et il y a toujours cette voix du chanteur qui est absolument émouvante et magnifique avec ses trémolos qui n'est pas sans évoquer la voix de Art Neville des Neville Brothers. C'est un peu le même type de voix, alors pas du tout le même type de musique. En revanche, voici un extrait du dernier album et non seulement c'est un extrait mais c'est le morceau qui ouvre le dernier album qui s'appelle Trees Fall, c'est le nom du morceau. Les Tindersticks donc qui seront en concert à Orléans à l'Astrolabe le 6 mars prochain, pourquoi pas une interview on the rocks, ça pourrait être intéressant. Voici donc Trees Fall. Somebody turned off the hum. Is the juice run out again? Shall we sit in the dark until our old story is over? No, not that one again. And we were happy then. Now we laugh the laughter remembered and oh, trees fall with no one to hear, tears fall into our ear, and we laugh that laughter remembered and oh. Dark on the stairs, the air is thick and stale, the laughter bumps through the wall, and oh, how we tied to those moments for good, the way the light was. Of our skin and the smell of the ocean and oh, trees fall with no one to hear, tears fall into our pit, and we laugh that laugh. Turned off the hum. Is the juice run out? She'll be sitting in the dark until our own star is over. No, not that one again. And we were happy. Now we laugh, the laughter, ah, the laughter remembered and oh, trees fall with no one to hear, tears fall into our pit, and we laugh, that laughter. touch of her skin and smell the can have everything on, but I'll never be so strong, and I'll never leave. Oh no, hear me, woman, no, I don't wanna go. I'll leave everything here tonight, I'd give anything. I just want you back by my side, by my side. I don't know, I don't care, everything is gone. All I gave for you, lady, there's just one thing that is for sure. Alone. But I'll never be so strong, and I'll never leave. Oh no, hear me, woman, no, I don't wanna go. Alright, everything ain't gonna always be fine. After the showers, the sun will be shining. Yes, loving yourself, sickness and health. Tell me what's going on, what to do next. I've been here all the time. Now you gon' tell me you're leaving my side. Yeah. No way, lady, there's just one thing that is for sure. Voilà quelque chose qui n'est pas banal. Je ne sais pas si vous avez reconnu qui chantait à l'instant. Belle voix, on est d'accord. C'était Ben l'Oncle Soul. Ben l'Oncle Soul, vous vous souvenez, I'm a Soul Man. Vraiment, voilà, je suis un Soul Man. Le titre énorme, le tube énorme, qui l'a propulsé très très haut, peut-être un peu trop vite, avec cette voix rocailleuse et assez... réel, hein, véridique, et voilà, un petit peu perdu de vue depuis, et là il vient de sortir un EP très étrange, avec 3-4 morceaux dessus, en anglais, Et alors que les compos étaient plutôt en français jusqu'ici, en anglais, et extrêmement produit à la mode. C'est-à-dire qu'avant, Ben L'Oncle Soul, il jouait dans la cour de Stax et de Motown, c'était plutôt Stax d'ailleurs, c'est-à-dire bah, les cuivres et old school et vas-y, roule ma poule. Et bien là, on a l'impression qu'il a envie de vendre à nouveau, donc les morceaux sont produit de façon assez putassière, on va dire, et ça lui va pas vraiment. Alors, ça peut marcher, hein, mais c'est exactement le genre de production que moi je n'aime pas et que vous n'entendez pas dans On The Rocks. Et puis, il a eu la bonne idée, peut-être un réflexe, sur ce EP, de reprendre les 3-4 morceaux qui sont sur ce EP et de les mettre à la fin du EP, donc du coup ça fait 6 morceaux, mais il y a deux fois les mêmes, une fois très produit et une fois dans ce déshabillage-là qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire acoustique, les mêmes morceaux, et du coup, eh ben ça devient magnifique. I Don't Wanna Go, c'était Ben L'Oncle Soul, que je suis ravi de retrouver avec cette voix-là et cette sensibilité-là. Alors voilà, moi je vous conseille de sauter les premiers morceaux du EP, ceux qui sont produits, puis d'aller directement aux versions démo acoustiques qui sont magnifiques. Juste avant, c'était Tindersticks avec Trees Fall. Je vous rappelle qu'ils seront en concert le 6 mars avec Thomas Bellhomme en première partie. Ce sera à l'Astrolabe. Et puisqu'on parlait de Ben L'Oncle Soul et puisqu'on parlait de ses influences, bah c'est vrai que franchement, on retrouvait dans sa voix, sans en atteindre la magnificence, on retrouvait la voix du grand Otis Redding. C'était pas prévu ce soir, mais il se trouve que j'avais mon petit CD d'Otis Redding. Faut toujours avoir son CD d'Otis Redding avec soi. Eh ben tiens, on va se repasser un petit Try a Little Tenderness d'Otis Redding et ça va faire du bien. She may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental. No, no, no. She has her grief and care. Soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness. It's all so easy. You gotta do bien, c'était Otis Redding donc avec Try a Little Tenderness. On va accélérer un tout petit peu le tempo maintenant dans The Rocks. Ça va un peu se ralentir après. Hein. Ça va être fugace comme accélération avec le dernier album de Juliana Hatfield qui je vous en avais parlé. L'album est sorti. Qui se livre un exercice bien curieux. Elle reprend sur cet album elle toute seule. Que des morceaux de Police. Voilà, elle reprend des morceaux de Police, certains très connus, certains moins connus, avec une approche un peu déglinguée, un peu boîte à rythme parfois, un peu déglinguée, c'est le mot, sur certains morceaux, un peu déstructuré. Alors ça fonctionne très très bien sur certains morceaux, un peu moins sur des morceaux comme Next to You, pas terrible, la version de Next to You. Par contre, il y a des versions qui sont absolument fantastiques. Et puis ça permet de redécouvrir à quel point Police était un groupe qui composait des morceaux fabuleux, mais ça on le savait, mais on avait tendance un peu à l'oublier. Et à retrouver des morceaux que moi j'avais un peu oubliés de Police qui sont pas leurs plus gros tubes que j'aimais à l'époque il y a 25 ans et que j'avais un peu perdu de vue aussi ou perdu d'oreille, eh bien elle les remet au goût du jour. Et ben c'est le cas de ce morceau qui s'appelle Canary in a Coal Mine qui est vraiment un morceau qui était déjà réjouissant avec The Police, mais la version de Juliana Hatfield est un peu supérieure à celle de Police. Et ben on se le passe maintenant. C'est sautillant, c'est réjouissant, c'est dans The Rocks, c'est une nouveauté. Juliana Hatfield avec Canary in a Coal Mine composé par Sting et compagnie. I'm your summer girl. falling from the sky down to me. I see it in your face. I'm relieved. I'm your summer girl. I'm your summer girl. My shoulder, I need you. I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gash. Walk beside me. C'est une émission qui ne fait rien comme tout le monde, vous l'avez compris. Eh bien, moi, je vous diffuse le tube de l'été au mois de novembre. Voilà, bah, c'est comme ça. Ça s'appelle Haim Summer Girl, groupe de trois filles qui, voilà, font une sorte de pop sucré, un peu comme ça. On appelle ça New Folk. Bah, moi, je trouve ce morceau très, très sympa. Haim, je l'ai découvert sur France Inter, pour être honnête. Et hop, j'ai sauté dessus. Summer Girl, je sais pas ce que vaut le reste de la discographie de Haim, mais ce morceau-là, je l'aime bien. Par contre, la discographie de Juliana Hatfield, bah, vous en mangez dans The Rocks depuis des années. Et c'était Canary in a Coal Mine, cette reprise de Sting et plus particulièrement de Police. On continue avec les Black Keys, non pas un morceau tiré du très bon dernier album, mais il y a des gens qui ont eu l'idée d'aller fouiller dans les archives et de ressortir les premiers morceaux enregistrés par les Black Keys. Alors forcément, c'est un peu moins produit que les derniers, le son est un peu plus brut. Eh ben pourquoi pas. Et il y a des très belles surprises sur cet album archéologique des Black Keys, comme ce Hacked, Nice and Gentle Down the Rocks. She's everything that you can ever be. Un morceau absolument imparable. C'est un morceau qui peut rendre sourd aussi. C'était Robert John and the Ray qui était passé à Orléans. Oui, oui, c'était au Blue Devil. Mes tympans s'en souviennent encore avec le morceau All Friend, donc qui pour moi est un tube absolu. Quand ils l'ont joué sur scène, je me suis dit, mais c'est une reprise de qui ça? C'est une reprise de personne. C'est à eux et c'est bien à eux. Et c'est un morceau absolument génial. Et juste avant, c'était les Black Keys avec Act Nice and Gentle. Puisqu'on était avec Robert John and the Ray dans des petites vieilleries, les Black Keys également. Eh bien, on va remonter encore plus le temps, et vu que ça chaloupait pas mal pour Robert John and the Rake, eh bien on va encore remuer du popotin sur ce morceau. Allons-y carrément dans les souvenirs. of grace. Can't find no trace. How could she just disappear from the street? Don't remember, don't recall just when she slipped off the radar. It was somewhere between 67 or 8. Many are concerned with her fate. People lit up when they saw her face. All was well with a sense of place. In search of grace, but I can't find a trace. Just disappear from our streets. Some remember, none recall just when she went off the radar. To get back to that sacred space, I'm always in search of grace. All the people lit up when they saw her face, always with some sense of place. Somebody said she went. Searching for grace somewhere between 67 or 8. She seemed to disappear from our street. Some remember, none recall just when she went off the radar. All the people lit up when they saw her lovely face. All was there, all was well, but the sense of place. All was remembered, peace and. Un joli souvenir. En 1978, c'était évidemment les Stones avec Beast of Burden, leur album entre guillemets disco, tout ça parce qu'il y avait Miss You dessus. Mais voilà, c'est un très très bon album des Stones. Oui, un peu méconnu, un peu sous-estimé et peut-être un des meilleurs avec Ron Wood à la guitare. Et puis juste à l'instant, encore un vieux mais qui lui sort toujours des disques, il en sort un ou deux par an. C'est Van Morrison avec In Search of Grace. On retrouve la voix du vieux Van The Man, voilà cette voix de Black dans un corps de petit rouquin irlandais. C'était donc Van Morrison tiré du dernier album In Search of Grace. On va repartir encore dans les nouveautés avec quelqu'un qui s'appelle Mikael Cronin. Et si vous me demandez mais qui est ce Mikael Cronin, eh bien je vais vous répondre, je n'en sais mais alors fichtre rien. Je connais pas du tout ce monsieur, mais en tout cas il vient de sortir un album qui est bien sympa et un extrait de cet album c'est le morceau Show Me. much less than some. Took a while to give up the ghost, thought it'd never come. There were times, blood on my hands, and I tried to wash away. Outside the lines, I couldn't stand without a soft voice to say that I'm here. Right now. Vous avez beaucoup entendu dans On The Rocks dans les années précédentes, c'était Joshua Radin, tiré de son dernier album. Depuis un ou deux albums, il essaye lui aussi de faire des morceaux un petit peu plus allez, on va dire électro, bidouillage, avec des chansons produites un peu à la Justin Bieber ou à la Ed Sheeran. Ça lui va vraiment pas des masses, mais par contre, on retrouve encore des perles sur ses albums comme ce Here Right Now. Allez, en gros, la moitié de l'album est comme ça et l'autre moitié est un peu plus dispensable, mais je vous conseille, si vous aimez ce que vous venez d'entendre, de vous plonger sur les premiers albums de Joshua Radin où tout est comme ça et tout est très très beau. Et juste avant, c'était Mikal Cronin dans The Rocks. Voilà quelqu'un que j'aimerais bien voir passer un jour en concert à l'Astrolabe d'Orléans ou pas loin de chez nous. Elle s'appelle Julia Jacqueline. J'ai déjà dit ici à ce micro que sur les morceaux lents, elle me faisait un peu penser à Aldous Harding de façon un peu moins possédé, on va dire. Voici donc Julia Jacqueline avec Convention. C'est tiré de son dernier album, qui est une merveille. Il n'y a pas d'autre chose à dire. L'album de Julia Jacqueline est parfait. Les morceaux plus électriques sont vraiment très percutants et très efficaces. Et puis, il y a ces morceaux chair de poule, comme ce Convention qu'on va se passer maintenant dans The Rocks. Do we really wanna give him a microphone? You know that he'll keep talking long after everyone's gone home. We'll have to pay to keep the lights on, and that bill will arrive just when all our savings have gone. Can I say something? Can I give advice? just hit the main switch so we can sleep well tonight. My social standing rose from the front, and my dinner companion was a little drunk. Says he buys the paper, but he reads between the lines. I can show you how I do it. Why don't you come back? Please say something, I'm dying for your advice. I can tell you won't sleep well if you don't teach me how to do it right. Oh, oh. climbed on till, and all the kites that we launched over skies of fear. You are the wind. Belle découverte du festival au Pop-Up en septembre. Ce sont les Tourangeaux de Grande à l'instant avec The Wind. Duo fantastique, très belle voix, très beau violon derrière. Les EP que j'ai découverts sont magnifiques, comme The Wind. On s'était déjà passé Eastern Boy. Voilà, je ne désespère pas de faire venir Grande dans les studios ici. Il en était question, ils avaient l'air contents. Et puis, pas trop de nouvelles. Alors j'espère qu'on va réussir à se caler une date en 2020, peut-être. Et puis avant, c'était Julia Jacqueline avec le morceau Convention. Je vous conseille vraiment d'aller voir Grande sur scène, c'est vraiment très très bien. Je vais pas faire les jeux de mots qu'elle risque d'entendre toute leur vie, c'est-à-dire c'est vraiment grand. Oui, voilà, enfin c'est vraiment très très bien. Allez, puisqu'on est dans les belles voix, puisqu'on est dans les retrouvailles, et bien voici Alma Forer qui revient avec un album, cette fois son album, et on va se passer le morceau qui s'intitule Relève-toi. Elle va elle aussi sur certains morceaux vers des choses un peu plus produites, électroniques, etc. Voilà, un peu à l'instar de Miss Paro, je trouve que ça lui va moins bien au teint, mais sur certains morceaux, on retrouve ce qui fait sa magnificence, c'est-à-dire voix épurée, guitare derrière, chanson française qui lorne du côté de Marie Laforêt, qui nous a quitté il y a pas longtemps, ou de Françoise Hardy. Et vraiment, c'est une artiste majeure. Voici donc Alma Forer avec Relève-toi dans The Rocks. C'est une nouveauté. Ah, si j'en vois pas le CD, c'est beaucoup moins bien en fait. Je peux vous le chanter, mais vous allez voir, vous risquez d'être déçus. Un jour, on décide de ne plus faire de souvenirs. Un jour, on décide que c'était trop dur à vivre. Tu m'as dit, va voir un ami. Tu m'as dit, je sais qui je suis. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas vieillir avec toi. Je suis née dans tes bras ouverts et je renaîtrai demain alors dans le souffle d'un soupir déjà mort. Relève-toi, retombe encore. Thank you. C'était la voix magnifique de Lassa, vous l'avez reconnu avec des caras à la parette tirée de son live posthume. Juste avant, il y avait Alma Forer, bien sûr, et sa voix magnifique. On en reparlera d'Alma Forer, on en a déjà beaucoup parlé dans The Rocks, mais on en reparlera, ça c'est sûr. Et puis pour terminer l'émission, voici Julie Peel avec un morceau. Bah, je vous dis pas quel est le titre de ce morceau, c'est dédié à Duduche qui est toujours là dans les bons coups et les mauvais coups, elle est toujours là. Donc c'est pour elle et pour Fafa et compagnie. Voici donc Julie Peel dans une jolie reprise. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, il y aura un invité prestigieux dans les studios, ce sera Mathias Ten, le grand Mathias Ten qui sera là lundi prochain avec sa guitare, sa voix et son univers. Vraiment ça c'est un grand événement, donc restez branchés. Et je vous laisse avec l'arrêt d'arc du sport de Rémi, c'est pour tout de suite. Pas mal de choses à dire, je suppose. Bye bye, ciao, à la semaine prochaine. Say hello on a day. To be perfect like before.